vouloir cracher plus loin chaque jour, plus fort dans la gueule du dernier amour. C'est la même chaque nuit, c'est violent dans tes veines, l'impatience qui te gifle, le moral qui te traîne, à pousser la porte du premier comptoir, de la première ambiance qui traîne sur le trottoir, et te brûler les yeux aux caresses du néon, pour quelques heures être mieux, quelques heures sans raison, et comme la poussière se mélange aux cendres. Leur voix, ta misère vont bien ensemble. Et comme la poussière se mélange aux cendres, leur voix, ta misère vont bien ensemble. À vouloir chaque nuit briser le sommeil, cet arrière-goût de mort qui te reste au réveil. T'attends un coup du temps ou du destin, peu importe, rien qu'une faveur du sang, pourvu qu'elle t'emporte. À tomber dans les bras d'une beauté pâle et saigner sur le drap cette nuit infernale. Juste quelques heures, seulement pour vous deux, pour que demain matin le ciel soit moins vieux. Et comme la poussière se mélange aux cendres, sa voix, ta misère serait bien ensemble. Et comme la poussière se mélange aux cendres, sa voix, ta misère serait bien ensemble. C'est la même chaque nuit, le moral qui se traîne. Le vide ici aussi, un peu comme dans tes veines. Et comme la poussière se mélange aux cendres, ta voix, ta misère sont bien ensemble. Et comme la poussière se mélange aux cendres, ta voix, ta misère sont bien ensemble.